Un soir, de poèmes par Émile Verhaeren, enregistré pour LibriVox.org par Margot. Cet enregistrement fait partie du domaine public. Un soir. Avec les doigts de ma torture, gratteur de mauvaise écriture, maniaque inspecteur de mots, j'écris encore des mots, des mots. Quant à mon âme, elle est partie. Morosement et pour extraire l'arrière fixe de ma colère, aiguë d'orgueil, crispée d'effort, je racle en vain mon cerveau mort. Quant à mon âme, elle est partie. Je voudrais me cracher moi-même, la lèvre en sang, la face blême, l'ivrogne de son propre moi, s'éructerait en un renvoi. Quant à mon âme, elle est partie. Homme, las de rage, qui rage, d'être lassé de son orage, la vie en lui ne se prouvait que par l'horreur qu'il en avait. Quant à mon âme, elle est partie. Mes poings ont tordu dans le livre l'intordable fièvre de vivre. Ils ne l'ont point tordu assez, bien que mes poings en soient cassés. Quant à mon âme, elle est partie. Le hant du soir suprême, écoute, s'entend là-bas sur la grande route. Clôt tes volets, c'est bien fini. Le mort aux dents vers l'infini. 1888, fin de Un soir.